Arc-en-ciel, un amour de FM. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-ciel. Bonjour à vous tous, il est 13h30, passé de quelques secondes. Voici donc un retour avec l'émission, il a tout simplement souvenir. Voilà, nous sommes déjà le 1er avril. Voilà donc, et bien ça passe très très vite pour les mois. Voilà donc, bienvenue si vous prenez l'écoute. Nous sommes ensemble pendant quelques heures avec les chansons souvenirs. Donc voici, on va débuter l'émission avec les compagnies créoles, masques, tout simplement, bal masqué, et puis juste après, Daniel Balawan. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Aujourd'hui, devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal, au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. Peut danser, danser, danser au bal masqué. Au bal masqué, ohé, ohé. Au bal, au bal, au bal, au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. Peut danser, danser, danser, danser, danser. Joséphine, Joséphine, Dracula, Dracula, D'Artagnan, D'Artagnan, Cendrillon, Cendrillon, Jules César, Jules César, Harlequin, Harlequin, Superman, Superman, Colombine, Colombine, Napoléon, Napoléon, Bécassine, Bécassine, Casanova, Casanova, Marilyn, Marilyn. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux, je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder.

לשלם איך היה למי כאילו נולו זה Jerusalem, hija y alami, kilo no lo sé, hambenami, sumami shilana, daoyami, aikolana, busoami, aukolana, kilo no lo sé. Ay colana, buso a mí, au colana, kilo no lo sé, su hambre kilo no lo sé, kilo no lo sé, kilo no lo sé, su manishilana. S'appelle tout simplement Felicita avec Abano. Amore spécial, un amour de FM. Voici donc qui s'appelle Chantal Paris, je suis ton ami. Qui s'est interprété par Véronique Juteuf. Et puis juste après, on écoutera du country. Toi, tu es le sens de ma vie, tu sais me refaire sourire, plus qu'une simple vie, tu fusionnes à ma vie. Chaque fois, un coup de blues, une débris, mais quand tout me sourit, comme une éclaircie, tu me sors. Allez, que tout le monde me suit. Radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday.

Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc un petit coucou à Florian. Voici quelques chansons portugaises. que ainda adoro. Choro e bebo, choro e bebo, só que não consigo, não nego. Para esquecê-la. Também já chorei todas as mágoas, todas as mágoas que eu tinha dela. Bebi sete mares dia e noite, ai dia e noite, sem ter medida. Já derramei choro amargo e doce, não tive sorte, não há saída. Donc je vous laisse avec tout simplement Bob Marley et suivi de Phil Collins. Would never leave.

Bob Sinclair avec Together. La tête dans les étoiles et c'est Lindsay Lins. Thank you.

sur le sable mouillé. La FM en couleur.